Chapitre 4. Dieu et sa gloire. La tension résolue. Voici la tension théologique la plus sérieuse du débat. Isaïe 42:8 rapporte ces paroles. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Comment concilier ce verset avec l'affirmation que chaque être humain porte une gloire légitime et que Dieu bénit ses serviteurs? Le germe de la gloire, potentiel, pas copie. La réponse commence par une image. Quand un botaniste plante une graine de chêne, il ne divise pas un chêne existant. Il transmet le potentiel d'un chêne. La graine contient en germe tout ce dont elle a besoin pour devenir un arbre à part entière. Ce chêne futur ne diminue pas le chêne qui a donné la graine. Il en est l'expression dans un autre lieu et un autre temps. C'est ainsi qu'il faut comprendre ce que la Genèse dit de la création de l'être humain. Dieu crée l'homme à son image, tselem, et à sa ressemblance de mut. Ce n'est pas une ressemblance esthétique. C'est une ressemblance fonctionnelle et ontologique. L'être humain reçoit en germe le potentiel de la nature créatrice de Dieu. Il est fait pour exercer une domination créative sur le monde qui lui est confié, pour nommer, ordonner, cultiver, produire. Ce germe n'est pas une copie de Dieu. Ce n'est pas non plus un fragment de Dieu. C'est le potentiel de sa gloire, transposé dans une créature. Comme la graine qui porte le potentiel du chêne sans être le chêne, l'être humain porte en lui la capacité de refléter la créativité, la justice et la densité de son créateur sans jamais devenir ce créateur. Le kabod ontologique et le kabod potentiel. Cette compréhension permet de résoudre le verset d'Isaïe sans en forcer le sens. Il faut d'abord noter que le mot hébreu traduit par « donner » dans ce verset est « natan », qui signifie « transférer, remettre à une entité séparée de soi ». Ce n'est pas un mot de partage au sens d'une division d'une substance commune. C'est un mot de don vers l'extérieur. Cette nuance est décisive. Dieu refuse que sa gloire soit donnée à une entité qui lui serait étrangère, séparée, rivale. Quand Dieu dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre, il refuse de céder son kabod ontologique, sa souveraineté absolue en tant que créateur de l'existence, son être même, son unicité fondamentale. Ce kabod-là ne peut pas être transmis parce qu'il ne s'agit pas d'un attribut parmi d'autres, mais de l'identité même de Dieu. Et ce qu'il refuse de transférer, Nathan, il le refuse au profit des idoles et des puissances qui prétendent être ce qu'il est, séparé de lui. Ce verset est un texte anti-idolatrique, pas un texte anti-salarial. Il y a cependant une perspective plus profonde encore. Dans une vision où tout est Dieu, où la réalité est fondamentalement une, ce qui est interdit n'est pas la présence de la gloire dans les créatures, c'est la fragmentation de l'unité en idole autonome. L'un ne peut pas se donner à ce qui serait vraiment extérieur à lui, car rien n'est véritablement extérieur. La gloire se manifeste partout, en tout. Ce que ce verset rejette, c'est le morcellement idolâtrique, non la présence de la densité divine dans chaque être. Ce que Dieu partage en revanche et abondamment, c'est son kabod potentiel, la capacité de peser dans le réel, d'exercer une dignité créatrice, de produire de la valeur, de laisser une empreinte dans l'existence. Il s'agit d'un poids spirituel qui descend dans la matière, une densité d'être qui s'exprime à travers les actes concrets, les œuvres, les créations. Ce kabod de potentiel n'est pas réductible à l'accumulation matérielle ou au statut social. Il est la manifestation dans le monde physique d'une réalité spirituelle intérieure. C'est le spirituel qui prend du poids dans la matière, qui s'y incarne avec densité. Ce potentiel est déposé dans chaque être humain comme un germe. Il attend d'être cultivé, développé, exercé. et quand il l'est, notamment dans l'excellence musicale, dans la maîtrise artisanale, dans toute compétence développée avec rigueur, il mérite d'être reconnu et honoré. La bénédiction comme transfert de vie. Cette compréhension éclaire également la notion de bénédiction. En hébreu, le verbe est barak. Sa racine est liée au genou, à l'acte de s'agenouiller pour transmettre quelque chose. Mais plus fondamentalement, barak décrit un transfert dynamique de vitalité, de force de vie, de fécondité et de prospérité matérielle. Être béni par Dieu, c'est recevoir une capacité concrète à prospérer, à exercer le potentiel déposé en soi, à produire du fruit visible dans l'existence. Lorsque les traducteurs grecs ont rendu barak par eulogéo, dire du bien ou parler favorablement, ils ont transformé un acte d'enrichissement tangible en une simple approbation verbale. Dans la pensée hébraïque, la bénédiction n'est pas un compliment divin, c'est une dotation de vie. Et cette vie, par définition, inclut la dimension matérielle, économique, concrète. Ainsi, priver un être humain de sa rémunération légitime ne protège pas la gloire ontologique de Dieu. Cela piétine la gloire potentielle que Dieu a déposée comme germe dans cet être humain. C'est confondre deux niveaux de réalité pour justifier une injustice. Leçon 4. Dieu ne donne pas Nathan sa souveraineté absolue, son kabod ontologique, à ce qui lui serait extérieur. Le mot hébreu utilisé dans ce verset n'est pas un terme de partage au sens d'une division d'une substance commune. C'est Nathan qui signifie donner, transférer, remettre quelque chose à une entité séparée. Ce verset d'Isaïe est un texte anti-idolatrique, pas anti-salarial. Il refuse que des entités présentées comme séparées de Dieu, des idoles, des puissances rivales, reçoivent ce qui n'appartient qu'à Dieu seul. Mais dans une vision où tout est Dieu, où tout est un, la tension se dissout d'elle-même. Dieu ne peut pas donner sa gloire à une entité extérieure, précisément parce qu'il n'y a pas d'entité véritablement extérieure. La gloire est une, se manifestant partout dans tout ce qui existe. Ce que Dieu refuse, c'est que l'unité soit fragmentée en idoles, que des parties de la manifestation prétendent être absolues en elles-mêmes, séparées du tout. Mais Dieu répand abondamment son kabod potentiel dans ses créatures, comme un germe, le potentiel de sa propre nature créatrice, transposé dans une autre vie. La bénédiction barak est un transfert réel de vie et de capacité à peser dans l'existence. Dépouiller un travailleur de son salaire ne protège pas la gloire de Dieu. Cela détruit le germe que Dieu lui a confié.